des îles enchantées au cœur de l'océan. Madelinos et madeliniennes vivent avec le vent. Conscients de la terre, de la mer et du ciel, dans un monde sans frontières, archipel d'arc-en-ciel. Propriété privée abolie, terres interdites aux humains. Gardons la magie pour nos mains et nos lendemains. Les vagues bercent nos rêves dans l'éclat doré. Les chants des oiseaux lèvent pour nous guider. Des secrets, les îles nous unissent ici dans l'éternité. Percent nos rêves dans l'éclat doré. Les chants des oiseaux lèvent pour nous guider. Propriété privée abolie, terres interdites aux humains. Dans la nuit chuchotent des secrets, les îles nous unissent ici dans l'éternité.